gauche la ding ding ding dong. Pour ça la game en bas sans l'étonner. Pour faire bas ou disco, moi pour ça montrer. L'homme découvre tes boîtes, l'homme pas ouais en lien. Yeah.